Dans un nouveau temps de la matinalité droit et liberté, on aborde un sujet majeur, urgent même, qui dépasse les frontières. Faut-il instaurer un droit universel de l'enfant, réellement contraignant et appliqué partout ? Aujourd'hui encore, dans le monde, des millions d'enfants sont privés d'école, exploités, mariés de force ou enrôlés dans des conflits armés. Pour comprendre ce qui pose problème et ce qui pourrait changer, nous recevons deux invités qui ont travaillé sur ce thème, Serena et Liam. Bonjour. Serena, vous commencez votre travail par un constat. On a des textes, on a des déclarations internationales. Mais est-ce que les droits de l'enfant sont-ils vraiment respectés ? Pas vraiment. La Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée en 1989, protège théoriquement le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la protection et le droit à un environnement sûr. Mais dans la réalité, beaucoup d'enfants n'en bénéficient pas. Ils continuent d'être victimes de travail forcé, de violence, de mariage précoce ou encore d'exploitation économique. Il y a donc un grand écart entre les textes et ce qui se passe sur le terrain. Liam, dans votre article, vous expliquez que certains militent pour un droit universel contraignant. Qu'est-ce que ça changerait au final ? L'idée d'un droit universel, ce serait que tous les enfants du monde aient la même protection minimale garantie, par exemple l'accès à l'école, la sécurité, des soins, la protection contre les violences et l'interdiction de toute forme d'exploitation. Aujourd'hui, chaque pays applique des droits comme il le veut, mais un droit vraiment universel obligerait les États à respecter ces règles avec des mécanismes de contrôle. Alors, évidemment, sur le papier, c'est séduisant. Mais dans la pratique, qu'est-ce qui bloque ? Plusieurs choses. D'abord, les différences culturelles. Certains pays considèrent comme traditionnelles des pratiques qui, pour nous, violent les droits de l'enfant. Ensuite, la souveraineté des États. Beaucoup n'acceptent pas qu'une autorité internationale se mêle de la politique interne. Et puis, il y a un problème de moyens. Certains pays n'ont pas les ressources nécessaires pour garantir les droits de l'enfant. Pourtant, dans votre travail, vous expliquez qu'il existe des pistes d'amélioration. Liam, lesquelles sont-elles ? Oui, même si c'est difficile, on peut avancer, par exemple en renforçant les organisations internationales qui surveillent le respect des droits de l'enfant, ou en aidant financièrement les pays qui ont moins de ressources, et surtout en créant des mécanismes d'évaluation régulière pour voir si les droits progressent réellement dans chaque pays. Dernière question. Même si on parvenait à créer un droit universel, est-ce que ce serait suffisant, selon vous, Serena ? Non, pas suffisant. Un texte universel serait une avancée, mais il doit s'accompagner de contrôles, de sanctions possibles, de coopération internationale et de la participation de ceux qui sont sur le terrain. Les éducateurs, les associations, les travailleurs sociaux, les familles et même les enfants eux-mêmes. Sinon, on risque d'avoir un nouveau texte qui ne change pas vraiment les choses. Merci beaucoup Serena, merci beaucoup Liam. On retient que les droits de l'enfant existent, mais sont loin d'être appliqués partout. Et que l'idée d'un droit universel contraignant pourrait changer les choses, mais seulement si elle s'accompagne d'un vrai suivi et d'une coopération internationale.